J'ai deux yeux, tant mieux. Deux oreilles, c'est pareil. Deux épaules, c'est drôle. Deux bras, ça va. Deux fesses qui se connaissent. Deux jambes, il me semble.